Where's the profanation? Et pour clôturer l'aspect française de ce soir, une dernière nouveauté dans la doublette de clôture, donc Obscurité, une récente formation, c'est du Epic Black qui nous vient du Mans, fondé en 2013, bon, déjà 10 ans d'existence sur le papier, et 3 albums ont vu le jour sur cet intervalle. Puis une pause a eu lieu en 2019 et le projet vient tout juste de revenir aux affaires. Le 4e album vient juste de sortir sur le label France Black Death Grind. 8 titres pour 55 minutes d'un black typiquement français, chanté en français. Des compos plutôt généreuses, épiques et intenses. C'est hyper bien maîtrisé et c'est... sans trop de surprise, un projet solo avec la production soignée qui va avec. En doublette, Lumberjack Feedback, le groupe de Doom Sludge lillois, actif depuis une bonne quinzaine d'années, hein, 2008 précisément, vient de sortir son 3e effort studio, un groupe entièrement instrumental, qui évolue à 2 batteurs. Cette nouvelle sortie studio est un 5 titres, 6-9 minutes chacun, donc on est... voilà, j'ai dit nouvelle opus, je commence à avoir les yeux qui n'en peuvent plus. C'est lourd, c'est lent, c'est ultra pesant et prenant. Niveau influence, ça va chercher du côté de Pélican, Neurosis et voire même Sun pour les résonances les plus lourdes. Au niveau des titres choisis pour illustrer cette doublette, Obscurité, on s'écoute le morceau Face à l'Abîme, extrait de l'album L'énergie noire et les visions luminifères, The Lumberjack Feedback, Failing to Witness His Mighty Work, extrait d'album The Stronghold. Et c'est parti! We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, l'émission métal du 93.6, les ondes de Radio Béton, qui a lieu le dimanche soir entre 21h et 23h. On approche de la fin de l'émission pour aujourd'hui, parce que là c'est l'heure de l'avant-dernière doublette. Blaze of Perdition enchaîné à Engulfed. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux formations-là ? Blaze of Perdition, c'est du black qui nous vient de Pologne, actif depuis une vingtaine d'années. C'est le sixième effort studio qui vient de voir le jour, toujours du côté de l'écurie de Metal Blade. 5 titres pour une quarantaine de minutes, des compos plutôt généreuses. Et pour la première fois, l'intégralité des textes de l'album est en polonais. Jusqu'à maintenant, on en avait quelques-uns par-ci, par-là. Là, c'est 100% en polac. Voilà, ça vient bien ajouter à l'identité sonore du groupe et ça rajoute à l'intensité justement des tracks de Blaze of Perdition. En doublette, une formation de death qui nous vient de Turquie, du death qui tabasse bien comme il faut, un peu crado sur les bords, hein, dans la lignée d'un Dead Congregation ou des vieux Incantation. Ça s'appelle Engulfed, c'est actif depuis 2010 du côté de Ankara, une sortie de Dark Descent Records. Ça sent le soufre pendant 40 minutes, des icos bien expérimentés de la scène. Un vrai régal pour les oreilles, cette nouvelle sortie de Engulfed. Blaze of Perdition, le morceau Nismelvain, extrait d'album Ufersin, Engulfed, Curse Eternity, extrait d'album Unearthly Litanies of Despair, et tout ça, c'est déjà dispo. Et c'est déjà l'heure de la doublette de clôture dans l'émission de ce soir avec une toute dernière nouveauté, Life's Question, qui nous sort un EP éponyme chez Flatspot Records. Life's Question, c'est du hardcore au sens très très large. Voilà, ce nouvel EP leur permet donc de passer chez Flatspot après avoir quitté Triple B. Un EP 6 titres pour environ 20 minutes d'un hardcore punk très très varié. Au niveau des influences, le groupe va chercher du côté même de Van Halen et Faith No More. Il y a du groove, des breaks, des solos, du chant clair et une ligne féminine d'ailleurs assurée par la guitariste du groupe. Un melting spot un peu déroutant et surprenant qui reste rafraîchissant, qu'on peut rapprocher par exemple d'un slope. En clôture de l'émission de ce soir, Kawir, la vieille formation de Pagan Black qui nous vient de Grèce, qui sort là son 9e effort studio en 30 ans d'existence. Oui, oui, c'est des contemporains, des vieux Rotting Christ. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Globalement rien, les présentations sont faites. À noter, si, effectivement, que la tête pensante du groupe, c'est le clavieriste Dis Pater, à savoir le membre de Midnight Odyssey. Et je me suis complètement craqué, j'ai mal lu mes lignes. C'est pas la dernière doublette, c'est l'avant-dernière, ce qu'on s'écoutera encore du son juste après. Au niveau des morceaux choisis pour cette avant-dernière doublette, donc, on aura pour Life's Question, donc le titre Light Me Up, Kawir, Senotour Machi, extrait d'album Kidoimos. C'est parti, et ne quittez pas, on se retrouve juste après pour une toute dernière doublette, pour de vrai cette fois. Still intact in men. I'm in a bit of la dernière doublette pour de vrai de l'émission pour ce soir. Exhumation enchaînée à Orne. Donc on va en plus clôturer avec une nouveauté, ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Exhumation, groupe de death qui nous vient d'Indonésie, actif depuis 2008, et c'est le quatrième album studio qui vient de sortir. On est sur du death bien salace, bien putride et intense, avec quelques séquences plutôt atmosphériques, entre très gros guillemets, pour respirer. Ça va chercher au niveau des influences aussi bien dans les vieux Morbid Angel que du côté de Bolzer et même Obliteration. Et en termes de références hexagonales, on peut rapporter ça à un Necrowretch. En doublette et en clôture de l'émission, donc après exhumation, Horn, un one-man band de Pagan Black qui nous vient d'Allemagne, actif depuis 2022. C'est le 10e effort studio qui vient de sortir, une généreuse discographie qui mêle toujours très très bien le côté rugueux et intensif du black metal avec la dimension épique et ultra catchy du Pagan. Une recette efficace et prenante, les compos font 4-5 minutes et une version un peu plus concise d'un Drutk par exemple. Exhumation, Chaos Feasting, extra album Master Personae. Horn, le morceau Lick and Talk, extrait de l'album Danzviark, une sortie de Nozer Silence Production. Sur ce, excellente fin d'écoute à toutes et à tous, excellente fin de soirée, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!